Si, à Saint-Genis-Laval, il y avait la Voie lactée à l'époque. Hein. J'habite Saint-Genis-Laval depuis 1959. Comment ça, il y avait la Voie lactée ? On voyait la Voie lactée à Saint-Genis-Laval. C'est pas grave. On ne la voit plus maintenant. Vous avez déjà vu la Voie lactée, vous, à Lyon ou ici ? Non. Bah non. On pouvait voir toute la Voie lactée ? Toute la Voie lactée, magnifique. En 59 ? Oui, en 59, oui. Et quand est-ce qu'elle a disparu ? Quand tous ces crétins ont allumé les lumières partout, regardez, elle a disparu, voilà, elle a disparu. Oui. Les couleurs de la chimie, tout ça, elle a disparu à cause des lumières. Ce monsieur qui est de Libération ne veut pas me croire qu'en 59, il y avait la Voie lactée à Saint-Genis. Ah oui, oui, oui, si, si. Peut-être vous qu'à votre âge, vous ne savez même pas ce que c'est que la Voie lactée. Attendez, j'ai pas dit je veux pas la croire, j'ai dit je suis stupéfait. Elle était au-dessus de ma maison, hein, régulier tous les soirs. La quoi ? La Voie lactée. Oui, et ben. Et ben elle n'y est plus. Ben elle n'y est plus parce que elle y est voilà. Toujours, mais on la voit pas. Elle y est toujours, mais on la voit pas. Il y a pas. Trop de loupiote. Ça veut dire que si on éteint les lumières, on peut revoir la Voie lactée. Ah, quoi. Oui. Ah oui, oui. Si vous avez un pouvoir quelconque pour éteindre les lumières le vendredi soir, alors ça serait bien. Ah oui. Vous avez un mais truc, il y a seulement 10 ans, il n'y avait pas toutes ces lumières là-bas. Oui, oui, il y a seulement 10 ans. On venait ici, c'était noir. Voilà. C'était noir. Maintenant, aujourd'hui, c'est éclairé. Maintenant, bon, il y a des lumières partout. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout à l'heure, on avait le projecteur du stade qui était juste dans les yeux. Là. Donc la Voie lactée a disparu en quelle année ? Ah, attendez, alors 59, moi j'étais avec mon livre, là je regardais. Et 59, 60, 61, 65, 70. Là, ça a dû s'effacer peu à peu. Hein. Je ne me souviens pas à partir de quel moment. Non, il n'y a pas eu de jour comme ça. C'est progressif quand ils ont commencé à construire des immeubles autour. Il n'y a pas que les lumières diffusent avec la pollution qui fait que le ciel devient laiteux comme ça. Oui, oui, oui.